Ceci est un appel d'embarquement pour tous les auditeurs. Ici Radio-Canada Première, Aéro-Mexico et Aéroport de Montréal vous invitent à participer au concours « À bientôt, Mexico ». Courez la chance de gagner 2 billets d'avion aller-retour en vol direct à destination de Mexico. Pour participer, remplissez le formulaire en ligne et inscrivez l'indice « Plage ». L'embarquement prend fin le 13 mai 2018. Détails au radio-canada.ca/concours. Bon balado. Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, François Truffaut, l'homme qui aimait le cinéma. Pour moi, la magie, elle est des deux côtés, vous voyez. Elle est sur l'écran quand vous regardez un film dans une salle, mais elle est sur le tournage quand vous faites des choses étonnantes, quand vous appelez les pompiers pour faire de la neige en plein mois d'août. Eh bien, la magie, elle est dans le travail à ce moment-là. Alors, je crois avoir montré l'envers de la magie, une autre magie. François Truffaut, à propos de son film « La nuit américaine » à l'émission Feu vert en 1973, « La nuit américaine » qui est peut-être le plus bel exemple de cette fascination qu'a Truffaut pour le cinéma et pour la magie du cinéma. François Truffaut aime profondément le cinéma et son cinéma est celui d'un amoureux. J'ai fait des films sur les choses qui me plaisaient, sur les enfants comme « Les 400 coups, l'enfant sauvage », sur les livres comme « Fahrenheit », où je fais pas mal de films d'amour aussi, et ce film-là est sur le cinéma. Mais voilà, il n'y a pas d'autre philosophie. Je ne peux filmer que ce que j'aime. Voilà, c'est ça ma philosophie. Et tu crois que ça va se passer comme ça? Ce serait trop facile, mon ami. Monsieur, c'était ma mère, monsieur. Et ta mère, qu'est-ce qu'elle a encore? Elle est morte. Ah, fiche-toi. Excuse-moi, Monty, je pouvais pas savoir. Elle était malade? Bah oui, monsieur. Il fallait m'en parler. Faut toujours se confier à ses maîtres. Allez, rejoins tes camarades. Va. J'ai envie de vous poser cette question qu'on vous a posée à maintes reprises. Les 400 coups, c'est vraiment autobiographique ou pas? Oui, c'est en grande partie autobiographique. Compte tenu, vous voyez que c'est un film qui donne l'impression de se dérouler en 1958, c'est-à-dire l'année où il a été tourné, parce que pour un premier film, je n'aurais pas envisagé de faire un film d'époque, puis l'occupation était encore trop récente, c'est-à-dire film d'époque de 10 ans avant, c'est un peu curieux. Mais enfin, les aventures que traverse Antoine Douanel dans les 400 coups, ce sont les miennes, et je dois dire jamais exagérées et souvent adoucies pour des raisons de plausibilité, de vraisemblance, parce que dans ce domaine, d'abord, il y a quand même une grande responsabilité quand on parle d'un enfant pas heureux. Il y a une responsabilité et il y a aussi le risque de paraître irréel ou de paraître trop exceptionnel. Donc, ça n'est jamais exagéré, oui. François Truffaut répondant aux questions d'Aline Desjardins à l'émission « Femmes d'aujourd'hui » en 1971, Truffaut va dire de cette entrevue qu'il fera avec Aline Desjardins, il va dire ça plus tard, mais que dans cette entrevue-là, il s'est livré comme jamais il ne l'avait fait et comme jamais il ne le fera par la suite. Si « Les 400 coups » est le film qui lance la carrière de Truffaut et qui devient d'ailleurs l'un des films emblématiques de la Nouvelle Vague, l'héritage de Truffaut, bien sûr, il est bien plus vaste encore et son nom, aujourd'hui, continue encore d'être associé partout dans le monde au cinéma français. Pour nous parler de cet homme qui aimait tant le cinéma, je reçois André Lavoie, critique de cinéma au journal Le Devoir. André Lavoie, bonjour. Bonjour, Jacques. Quelle place il occupe, François Truffaut, André Lavoie, au Panthéon du cinéma français? Il occupe une place exceptionnelle. C'est encore aujourd'hui considéré comme un des plus grands cinéastes français. Et en plus, pendant sa carrière, qui était extrêmement fructueuse, il a fait plus d'une vingtaine de longs métrages, il a réussi à tisser à travers le monde des liens très étroit avec des professeurs, des cinéastes, des critiques qui sont devenus un peu partout dans le monde, au Japon, aux États-Unis, des ambassadeurs de l'œuvre de Truffaut, ce qui fait que des cinéphiles et des cinéastes de toutes les générations ont été en contact avec son œuvre et ce qui fait qu'encore aujourd'hui, on associe Truffaut au cinéma français et à une certaine idée qu'on se fait du cinéma français. Ouais. C'est un amoureux du cinéma, je le disais au tout début de l'émission, et cet amour du cinéma, il arrive très, très vite dans la vie de François Truffaut, puis c'est lié à son enfance qui sera difficile. On l'écoute à nouveau se confier à Aline Desjardins en 1971, et vous allez voir dans cet extrait, il nous parle justement de ce que représente très, très vite pour lui la littérature, mais le cinéma surtout. On vous imagine solitaire, très, très fermé. Est-ce à cause justement du fait que vous avez dû beaucoup circuler et être attaché à des personnes différentes dès le bas âge? C'est ça, certainement. Et puis ma mère ne supportait pas le bruit. Enfin, je devrais dire, pour être plus précis, qu'elle ne me supportait pas. En tout cas, je devais me faire oublier et rester sur une chaise à lire. Voilà, je n'avais pas le droit de jouer ni de faire du bruit. Il fallait que je fasse oublier que j'existe. Et comment vous réagissiez, vous, à ça ? Ah ben, vous savez, très soumis, comme toujours, les enfants. Ils ne discutent pas tellement, ils ne mettent pas tellement en question l'éducation qu'on leur donne ou la façon dont on les élève. Alors, je me réfugiais dans la lecture, je crois, c'est ça. J'ai pris l'habitude très vite de lire énormément. Et également, je me suis mis à voir des films en cachette, c'est-à-dire des films à des moments où je n'aurais pas dû... par exemple, mes parents partaient pour le théâtre. Au bout de 10 minutes, j'étais sûr qu'ils étaient bien partis. Je partais pour le cinéma. Et dans une angoisse épouvantable, puisque avec les horaires, enfin, j'avais toujours peur au fond qu'il rentre avant moi. Donc la deuxième moitié du film était gâchée, et il arrivait même que la peur me fasse partir avant la fin du film, puisque je devais être couché quand il rentrerait. Et alors je garde de cette époque sûrement une grande angoisse. Alors les films sont liés, si vous voulez, à une angoisse et à une idée de clandestinité, de même que les livres étaient lus clandestinement, mais pour les films, c'était encore pire. Alors, on le comprend bien, André Lavoie, le cinéma, dès son plus jeune âge, pour Truffaut, c'est fondamental. C'est plus qu'un divertissement, c'est un refuge, c'est une question de survie, presque. C'est un refuge et une fuite, ouais. Une fuite de la réalité, et ça a été très important pour lui, justement, pour échapper à ce milieu familial très étouffant. Et aussi, il ne faut pas oublier que sa boulimie du cinéma commence au moment de l'occupation, pendant la guerre. Alors, c'était une double fuite, dans le fond, double fuite de sa famille et double fuite d'une société qui était étouffée, sclérosée, où tout était rationné. Alors, le cinéma devenait cette espèce d'oasis de paix, de bonheur et de découverte. Il va être boulimique, carrément, le cinéma. Écoutez, un peu moins d'une dizaine d'années, il aurait vu environ 3000 films. Et pourquoi on le sait? C'est parce que toute sa vie de cinéphile, de critique et de cinéaste, il a compilé une masse impressionnante de dossiers. Ouais. Lorsqu'il était jeune, cinéphile, il découpait des articles de journaux, il volait des photos sur les vitrines des cinémas et il rentrait souvent d'ailleurs au cinéma sans payer par les portes de sortie de secours. Alors, il a composé une masse impressionnante de documentation, ce qui fait qu'on sait maintenant le nombre de films que François Truffaut a pu voir dans sa vie à cause de ses dossiers. Parfois, 3 films par jour. C'était vraiment... Il consommait énormément de films pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Il faut aussi souligner, Jean, qu'il a fait beaucoup l'école buissonnière. Ouais. Alors, ça aide pour être cinéphile, boulimique comme lui. Ouais. Et ça fait son école de cinéma, parce que c'est 3000 films, imaginez ce que ça fait comme culture cinématographique. Beaucoup des films américains aussi qu'il va apprécier. Il va être critique, d'ailleurs. Avant de réaliser des films, Truffaut va être critique au prestigieux Cahier du cinéma. Comment il aboutit au Cahier du cinéma? En fait, c'est grâce à André Bazin. André Bazin, c'est ni plus ni moins que son père spirituel. C'est celui qui va le sauver de la délinquance. François Truffaut, comme on dit, c'est un enfant mal parti. Ouais. Il a été dans des centres, justement, pour jeunes délinquants. Il a fait l'armée, ça n'a pas du tout fonctionné. Il était déserteur, il était en prison, il était malade, il était pauvre. Et André Bazin, qui a vu le potentiel immense de ce jeune garçon, l'a encouragé à écrire. Et c'est comme ça qu'il a d'abord débuté sa carrière au début des années 50 au Cahier du cinéma et très rapidement à l'hebdomadaire Art, ouais, qu'André Bazin connaissait aussi. Alors, c'est là qu'il a fait ses premières armes de critique et qu'il s'est très, très vite distingué par son style, ouais, par son mordant, par son caractère extrêmement passionné, autant face aux films qu'il aimait qu'aux films qu'il détestait. Ouais. Qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas, de fait? En fait, ce qu'il n'aime pas, c'est un certain cinéma français qu'il trouve sclérosé, empesé, particulièrement celui de Jean Delannoy et de Claude Autant-Lara. Ce qu'il aime, il adore Jean Renoir, il adore Roberto Rossellini et il adore une multitude de cinéastes américains, plusieurs de série B, et cet amour pour le cinéma américain va le suivre toute sa vie et il va avoir une immense dévotion pour ces cinéastes, dont plusieurs qu'il va découvrir après la guerre, parce qu'on s'entend que pendant à peu près une dizaine d'années, il y a beaucoup de films américains, ouais, qui traverseront pas l'Atlantique, et après la guerre, pour Truffaut et ses amis, on parle là de Jacques Rivette, Claude Chabrol, Éric Rohmer, Jean-Luc Godard, la découverte de pratiquement 10 ans de cinéma américain, comme par des films, par exemple, comme Citizen Kane, d'Orson Welles, ça sera un choc dont aucun ne se remettra parce qu'ils vont avoir du cinéma une nouvelle conception, en partie grâce au contact de tous ces films-là qu'ils vont voir dans une période assez, assez rapprochée. Ce qui fait qu'ils vont dénoncer le vieux cinéma français. Truffaut va devenir célèbre avec un article où vraiment ils dénoncent ce vieux cinéma. Ils vont faire ensuite eux-mêmes des films. Mmh. Tout ça dans ce même esprit qui, évidemment, va donner lieu à cette fameuse nouvelle vague. Comment, justement, Truffaut fait le passage de la critique à la réalisation? On l'écoute à nouveau dans un extrait de Femmes d'aujourd'hui en 1971. Je me souviens très clairement que c'est Rivette qui a dit on va faire des films, on est tous bien d'accord, on veut tous faire des films. Et je me suis dit, ah ben oui, au fond, est-ce que je veux faire des films? Vous voyez, j'étais même étonné de l'entendre formuler à voix haute. Et je me suis dit, bah, puisque Rivette le dit, j'ai eu un peu ça. Et à ce moment-là, j'ai fait un ou deux films en 16 mm, comme ça, pour m'exercer, justement, avec la collaboration de Rivette, d'ailleurs. Je ne sais pas si je me serais formulé à moi-même que je désirais faire des films sans Rivette, qui, le premier, a voulu qu'on se groupe, qu'on ait des projets, qu'on fasse tous des scénarios, qu'on essaie de les présenter ensemble à des producteurs et que... Vous voyez, cette espèce de mouvement qui était la Nouvelle Vague, c'est plutôt d'amis plus actifs que moi que c'est parti. Comment le décrire, le Truffaut des premiers films, André Lavoie? Eh bien, c'est sûr que Les 400 coups, c'est extrêmement autobiographique. C'est un film aussi très libre. C'est un film qui est justement pas fait en studio. C'est un film qui est fait sans vedette. Ouais. C'est un film qui est fait aussi à partir d'un scénario qui n'en est pas vraiment un, parce qu'il y a beaucoup, il a pris énormément de liberté. Il y a beaucoup de choses qui se sont décidées au tournage. Et c'est ça, entre autres, l'esprit de la Nouvelle Vague. Un esprit de liberté, un souffle de fraîcheur, une envie d'anticonformisme. Et donc, ça symbolisait ça. Ça symbolisait la liberté. Ouais. Et ça symbolisait aussi, bien sûr, ses blessures d'enfance qui vont le suivre toute sa vie, d'ailleurs. Ouais. Et ce film-là, pour toutes ces raisons, va devenir un des films emblématiques de la Nouvelle Vague. On le situe où, Truffaut, qui a été critique avec les autres, avec Rivette, qui a fait partie de la Nouvelle Vague, d'abord comme critique, puis comme réalisateur. Il se situe où par rapport à Rivette, par exemple, par rapport à Godard? Bien, il y a une grande opposition entre Jean-Luc Godard et François Truffaut, une opposition qui va d'ailleurs conduire à la fin brutale de leur amitié au début des années 70. C'est clair que pour François Truffaut, et il le dit, même s'il a dénoncé un cinéma très conformiste, pour lui, l'importance du public, l'importance de se faire comprendre, l'importance de raconter des histoires, l'importance aussi, parfois et assez souvent, de le faire avec des vedettes, ce qu'il fera assez rapidement, dès son deuxième long-métrage, tiré sur le pianiste, c'est avec Charles Aznavour, qui était déjà très connu. Alors ça va le mettre un peu en porte-à-faux avec plusieurs de ses amis de la Nouvelle Vague, parce que lui ne se cachera pas d'avoir du succès. Et pour une raison d'ailleurs assez simple, assez prosaïque, c'est qu'avant même la réalisation des 400 coups, il va fonder sa compagnie de production qui s'appelle Les Films du Carrosse, en hommage au film de Jean Renoir, Le Carrosse d'or. Et donc, dès le départ, pour lui, le succès financier de ses films n'est pas important, il est essentiel parce qu'il doit faire vivre sa compagnie, faire vivre ses employés. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola. Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe, aïe, aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Jeanne Moreau chantant Le tourbillon dans le film Jules et Jim que François Truffaut réalise en 1962. C'est devenu évidemment ce film-là aussi un grand classique. Mais ça nous en dit beaucoup, Jules et Jim, sur le cinéma de Truffaut, sur un aspect de ce cinéma de Truffaut, l'amoureux en fait. C'est un film qui parle d'amour, c'est un film où Truffaut parle des femmes, des personnages qui vivent des passions, qui sont dévorés par leurs passions. Ça nous dit quoi, Jules et Jim, sur le cinéma de François Truffaut, André Lavoie? Ça nous dit deux choses importantes. D'abord, ça nous dit son obsession sur l'amour, mais ça nous parle aussi de son rapport avec la mort et avec la difficulté qu'on a justement de réussir à atteindre le bonheur. Et c'est sûr que ces personnages-là, encore là, ce sont des gens extrêmement libres. Et il faut rappeler, on l'oublie que, bon, le film a été tourné au début des années 60, mais c'est un récit qui se déroule au début du 20e siècle. Ouais. Alors, ces personnages-là sont extrêmement en avance sur leur temps, un peu comme Truffaut l'est parfois dans sa vie privée, parce qu'il va avoir une vie privée aussi extrêmement tumultueuse. Et donc, cette passion pour les femmes, ce désir d'avoir des relations un peu anticonformistes, tout ça est incarné dans ce film. Et en plus, on associe beaucoup Jules et Jim à une certaine frivolité, cette idée justement d'un triangle amoureux qui est en fait des fois un trio amoureux et non pas un triangle. Mais la fin est très triste, la fin est même tragique. Mais on oublie ça pour une raison aussi très importante, parce que le film est littéralement vampirisé par la personnalité exceptionnelle et le charisme de Jeanne Moreau. Et donc, moi, je trouve que c'est un bel exemple du côté un peu à la fois grave et léger de François Truffaut, c'est-à-dire de parler de thèmes extrêmement profonds, extrêmement forts, mais en même temps de le faire avec une élégance, même une certaine frivolité qu'on va retrouver souvent dans les mises en scène de ses films. Ouais, un style, un ton, la narration, la musique, est toujours ça dès Jules et Jim, c'est toujours ce souci d'être compréhensible et accessible. Ouais. Ça ne le quitte jamais. Autre grand thème, il l'évoquait au tout début de l'émission, autre grand thème de sa cinématographie, l'enfance. On comprend pourquoi avec l'enfance qu'il a eue. On comprend pourquoi. Et il avait une affection particulière, il avait un don pour diriger les enfants, il les aimait et il a fait quelques films où il leur rend hommage, il rend hommage à leur résilience, à leur imaginaire. Et je crois qu'une de ses grandes réussites, bien sûr, Les 400 coups, mais L'enfant sauvage, c'est aussi un film où il se met en scène pour une raison pratique, parce qu'il fait un professeur qui a recueilli un enfant qui a vécu dans les bois et qui sait à peine parler, il ne connaît pas du tout la civilisation. Donc, en prenant le rôle du professeur, il dirige encore mieux le jeune enfant qui incarne l'enfant sauvage. Et donc, à chaque fois, ces personnages d'enfants sont candides, sont un peu insolents, sont drôles. Ça se vérifie aussi dans un film comme L'argent de poche, qui est un film beaucoup plus léger, beaucoup moins grave, par exemple, que L'enfant sauvage ou même Les 400 coups. Et si parfois il se met littéralement et carrément en scène dans L'enfant sauvage, dans La nuit américaine, il se met en scène aussi beaucoup. On n'en a pas parlé, mais Les 400 coups, c'est le début du cycle Antoine Doinel. Oui. Ça, c'est important. C'est son alter ego au cinéma, ce personnage d'Antoine Doinel. Oui, en fait, c'est Antoine Doinel, c'est son alter ego, mais l'autre alter ego, c'est Jean-Pierre Léo, qui est l'interprète d'Antoine Doinel. Ils vont faire 5 films ensemble. Oui. C'est un cycle quand même assez important. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on va voir non seulement Jean-Pierre Léo vieillir avec le personnage, mais vieillir à la fois dans le cinéma de François Truffaut et en fait aussi évoluer. On va voir des changements dans son rapport aux femmes, dans son rapport au couple et dans son rapport aussi avec la société française. Donc, c'est une sorte de radiographie un peu légère. Ouais. Encore là, c'est pas les films les plus graves et les plus profonds de François Truffaut, mais c'est souvent des petites bulles d'air ou même parfois, dans le cas de L'amour en fuite, qui est le dernier du film, c'était carrément un film pour sauver les films du Carrosse de la faillite parce qu'il y avait eu un échec avant et donc, il savait qu'Antoine Doinel, c'était un personnage qui plaisait beaucoup. Ouais. On ne peut pas faire une émission sur François Truffaut sans parler de son amour pour Hitchcock, mais pour les films noirs aussi. Il va faire un livre d'entretien, un entretien qui va devenir célèbre avec Hitchcock. Et les films noirs, il va en faire quelques-uns lui-même. Qu'est-ce qui l'attire tant dans ce genre de cinéma, André Lavoie? En fait, ce qui l'attire, d'une part, c'est qu'il aime beaucoup non seulement les cinéastes américains, mais les écrivains de polar, les écrivains américains de polar, qu'il va transposer presque toujours dans des contextes français et qu'il va souvent détourner. D'ailleurs, Truffaut aurait voulu être écrivain, il s'en est jamais caché, mais lorsqu'il adapte des films, il ne fait pas que platement les adapter. Il prend des fois un personnage, une situation, ce qui fait que si on lit les livres, les polars inspirés de ces films, on les retrouvera pas nécessairement, enfin même très très peu, parce que des films comme La mariée est en noir ou Tiré sur le pianiste ou même plus tard des films, des scénarios originaux comme La femme d'à côté, on va retrouver des éléments de polar, mais toujours à la sauce François Truffaut. Ouais. Et ses idées de suspense ne seront pas celles que les cinéastes américains utilisent habituellement. Ouais. Parlons de deux moments différents pour terminer cette émission. Le mieux, dans un instant, peut-être l'apogée pour lui comme cinéaste, mais d'abord Le cauchemar qu'aura été, parce que d'abord, tous ses films ne sont pas des succès. Fahrenheit 451, non seulement ce ne sera pas un succès, mais c'est son cauchemar, en fait. Oui. En fait, c'est un tournage qui aurait été très difficile. Il croyait qu'en engageant Oscar Werner, qui joue dans Julie et Jim, il croyait qu'il avait développé avec lui une excellente complicité. Ça va s'avérer sur le plateau une relation tout à fait infernale. C'est un film qui va coûter très cher. C'est un film qui ne connaîtra pas au départ, à sa sortie, un grand succès. On ne comprendra pas qu'est-ce que Truffaut fait dans le genre science-fiction, alors qu'en fait, c'est surtout son amour des livres ouais. qui l'intéressait dans ce roman-là qu'il voulait adapter au cinéma. Ouais. Et en plus aussi, il faut dire que François Truffaut, et on l'entend dans ses entretiens avec Alfred Hitchcock, il ne parle pas, en fait, il ne parle pas anglais. Mm. Alors, il se retrouve en Angleterre à tourner ce film, et en fait, c'est un cauchemar. Il dira même qu'il aura passé les 6 mois du tournage enfermé dans sa chambre d'hôtel. Ouais. Alors, il va sortir de ce tournage-là complètement épuisé. Et d'ailleurs, ça sera la période de sa vie après ce film où il aura tourné le moins. En fait, il y aura un hiatus de presque 2 ans. Là. Et on comprend l'effet que ça a sur lui parce que on revient à cet amour du cinéma qu'il est. Il aime le cinéma. Il aime tourner des films. Il aime les beaux plateaux. Et à l'autre bout du spectre, justement, ce qui sera peut-être tout ce qu'aime Truffaut, la nuit américaine. Nous voici arrivés au milieu de l'aventure. Avant de commencer un tournage, je désire surtout faire un film qui sera beau. Dès que les premiers ennuis surgissent, je dois réduire mon ambition et je me prends à espérer simplement qu'on arrivera à terminer le film. Vers le milieu du tournage, je fais un examen de conscience et je me dis « Tu aurais pu travailler mieux, tu aurais pu donner davantage. À présent, il te reste la seconde moitié pour te rattraper. Et à partir de ce moment, je m'efforce de rendre plus vivant tout ce qui sera montré sur l'écran. Je vous présente Pamela, me semble enfin lancée sur de bons rails. Les acteurs sont à l'aise dans leurs personnages, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. » La nuit américaine, c'est tout ce qu'aime François Truffaut, en vrai. Oui, oui, le cinéma, la camaraderie sur les plateaux de tournage, les femmes. Et d'ailleurs, il faut quand même souligner que la rupture avec Godard sera à ce moment-là, parce que Godard a dit beaucoup de méchanceté sur ce film, mais la pire, c'était « François, tu présentes un tournage de film et le cinéaste ne couche pas avec son actrice. » Et ça va beaucoup, beaucoup froisser François Truffaut. C'est à ce moment-là que ils ne se parleront plus. Mais La nuit américaine, en plus, c'est un film qui est un hommage au cinéma, mais c'est un film dans lequel beaucoup, beaucoup de cinéphiles et de cinéastes vont se reconnaître. Et c'est d'ailleurs un des films préférés de Steven Spielberg et c'est comme ça. Ouais. C'est grâce à ce film et aussi L'enfant sauvage que Steven Spielberg va inviter François Truffaut à venir tourner Rencontre du troisième type quelques années après. Ouais. Et La nuit américaine va remporter l'Oscar du meilleur film en langue étrangère, d'ailleurs, ce qui n'est pas rien. Ce qui contribue au rayonnement international de Truffaut, oui. dont vous parliez au tout début. Qu'est-ce qui reste de François Truffaut aujourd'hui? Il reste un grand cinéaste boulimique, cinéaste qui a tourné énormément en une période très, très courte parce qu'il va mourir en 1984. C'est un cinéaste aussi de tous les genres. C'est pas un cinéaste qui s'est cantonné seulement dans les films pour enfants ou dans les passions amoureuses. Souvent, dans un même film, c'est à la fois une histoire d'amour et un suspense avec beaucoup, beaucoup de références cinématographiques aussi. Et, je le répète, un souci constant d'être compris et aussi probablement très fortement d'être aimé. Ouais. André Lavoie, c'était un plaisir comme toujours. Merci beaucoup, André. Merci, Jacques. André Lavoie, critique de cinéma au journal Le Devoir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.